franchement, franchement, on en a rien à foutre. Mes potes en vogue s'envolent, t'es pas prêt. Ta cape et ma main qu'on s'en tamponne et ce quoi qu'il advienne après. Penche l'enfort que je boive de son contenu. On attend que tu t'endormes, pas de tir en cloche. On fonce dessus, pas une once de regret. Compte tenu tes sornettes, je plonge, formel. Je dors mal après quelques verres de ponche. On allège balai le panel de ce monde qui a l'air charnel mais conspire. Allez, je t'arrête deux secondes. J'avoue tout ce dont j'ai connaissance et que je chante à royal. De ta prose naissante, incohérente, à côté je flambe en taille la basse. J'ai donné sens et trop d'envergure à trop d'exemples depuis l'adolescence, à t'mec c'est incroyable. Cesse tes colis, bêche, pète un coïval. Odyssée commence, j'monte au filet pour ruiner ta bonne image au fil des moments. Tes primes de mots sont au final mises en cause. Ma prose brise ta tentative d'un coquinage. Je m'en tire la moustache de tes problèmes personnels. J'impose mes règles et pour être honnête frérot, je plaide mieux la nonchalance. Remballe ta vie, tes insistances et maladives, parlons argent. Je m'en tape l'ami d'être un type franc. Devant ce bordel t'as pris le mort. Tu crois vraiment que les gens t'écoutent? C'est que des sornettes, Mali le boy. Ici ça marche pas en serrant les coudes, ta sale face embêtante. Moi je m'en cogne sec à mille bornes. Me raconte pas tes soucis, pété franchement c'est pour dire. Si tu me vois pas étourdi c'est que je fais semblant. Pourtant je suis pas méchant mais tu m'as pas l'air spécial. Mêle-toi de tes affaires, ta tête m'agresse, arrête d'être hal. Ça me suffit ma vie à gérer, je me fous de tes caprices. J'ai déjà le titre et tous tes amis à mes pieds. T'es près de la catastrophe, file à Roissy, t'as peut-être beaucoup de thunes. Mais bon quitte à choisir, je préfère la Castafiore. Yeah. Posé sur le divan avec un deuf, bien j'ai char. Si je te réponds pas c'est que je fonce des faux. Écoute pédale, en fait je m'en fous ta face, mon seul souhait c'est que tu dégages ou que tu fasses moins de bruit comme la vis. Vu pédale, ça fait déjà 4 bars que je suis blasé de parler de ces putes vénales. Bête la pure frappe sur le mic ou sous mes nacres lesbiennes. Quoi donc? J'ai pas le temps pour vos simagrées ou vos camionneuses en Marseille. Yo, à ce qu'il paraît. Yo, douce. Ouais, frère, y'a quoi? Mec, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu racontes? Je fais un 16. Je sais pas, des bails de lesbiennes et tout là, c'est quoi frère? Rien à foutre mon frère. Diggity check. J'ai les dés qui depuis tout petit m'amènent. C'est viscéral, mais j'ai plus de respect pour eux que ces goudous. Qui se disent normal, je te l'ai déjà dit tout à l'heure. Tout doux, ça reste du rap, j'en bats la bite ta sœur. Et pour nous, c'est fait le plus marrant. Ok, ok. Yo, t'as une vie pâle, putain de frangin, mais je m'en tape les couilles par terre. Tu vas prendre des coups de balai par tous mes foot partenaires. Quand tu t'asticotes l'engin, les gens partent et me foutent la paix. Mais tu parles de doute, balai. Est-ce que ta femme écoute ma merde? Pourquoi tu ne vas pas pomper l'air de quelqu'un d'autre loin d'ici? Là où on t'aimera enfin dans d'obscures zones linguistiques. Du haut ton escabeau à dire les mêmes phrases escamotables. Je me tire de la pièce pour rider une punto décapotable. Si tu me laisses pas savourer mon sorbet citron, je te promets fiston d'anéantir tes projets bidons. Je me fous de savoir que tu bédaves trop. Que tu tapes des tas de hoses dans un peignoir mot. Cesse de m'expliquer tes théories avec ta grande gestuelle. Laisse-moi plutôt remuer le couteau dans la plaie que tu es. Si tu pleures dans ton coin en pensant que je suis un mec funèbre, c'est que je suis à même le seul à faire le mort pour que tu restes muet. Je pète l'ambiance comme un communable dans une famille modèle abominable. Quand tu me bassines gros, j'espère que t'entends. Je me détends, l'air m'entrave. Mes faux types sous les gaz, puis trop d'erga tes problèmes. Si j'ai l'air d'en faire, en fait, je m'en branle. Trop dans sous l'emprise de mes songes. Tu me tapes la scute, mais ça me gavard. Allumé, je crache la fumée. Oh, je m'en sous planquise de réponse, comment vous mentir? Je sais ce qu'on peut ressentir, ces moments de flottement. Comment il suffit d'un mot franc pour sortir de ces cons? Je suis pas comparable avec les sex symboles de Starlet, mais j'ai la belle à tête dans le cul de personne d'autre que moi-même. Arrête la thérapie, ça t'aide pas. Freestyle les petites mixtapes, t'es d'ailleurs fini, mec. Si après 10 années de pratique ça reste plat, tu sembles vouloir ces choses quand on se comprend l'un l'autre. T'aimes la vérité, je préfère tenter le grand plongeon dans un saut de mer. Doucement, tour Jacques, t'arrêtes tes grandes visions. Tu m'embrouilles, je m'en fous car plus le temps court, plus j'ai l'ambition d'une pantoufle, n'en doute pas.